car il était très moche, il était très con, il vivait tout seul. Il n'avait pas la langue dans sa poche, sinon c'est sa poche qu'aurait pué la gueule. Il avait en effet un problème sérieux, qui depuis tout petit lui causait souci. Il sentait le type vraiment très poisseux, une morgue en grève, le poisson pourri. Qui savait pas que le shampoing c'était pour se laver les types, comme quelqu'un qui croyait que la lotion c'était un alcool pour l'apéritif. Ça schlingue le vestiaire du Parc des Princes comme un chien mouillé mort depuis 8 jours. Que quand il pleut que Gérard se rince, malheureusement il peut pas toujours. Il aimait Christine et la Christine donc les met en retour. Elle qui jamais n'avait pu conquérir le cœur de quiconque, parce que vu sa gueule, c'était pas gagné. La grosse Christine avait elle aussi un problème grave, majeur et vital. Son best personne est déjà détruit, car elle dépasse le bon quintal. Comme quelqu'un qui fera un jour du chemin, comme Bibendum chez Michelin. Comme quelqu'un qui fera un jour un gros mannequin chez Olida ou William Sorin. La grosse Christine provoque des éclipses quand elle se place devant le soleil. La grosse Christine a un clitoris presque aussi gros que ton gros orteil. Oh là là. Tous les deux s'affairent le soir de leur noce à se préparer, tenter de sentir bon. Lui frotte ses dents avec un balai brosse, les reins au gasoil, mange du savon. Elle s'est entourée de bandages serrés pour ressembler à un spaghetti. Mais au final, elle est désolée, elle ressemble plutôt à une grosse momie. Arrivée au lit malgré leurs efforts, c'est une catastrophe, ils n'y arriveront jamais. Gérard est tout blanc partout sur son corps, car il s'est saupoudré d'Ajax WC. Il lui dit, chérie, je dois t'avouer, je me suis calqué sur les conseils de Max. Elle se dit, t'inquiète, je l'ai deviné, maintenant j'ai peur que Gérard m'ajax. Gérard m'ajax. Gérard est trop crasse, et c'est pas joli. Christine est trop grasse, ben tant pis. Gérard est trop crasse, et c'est pas joli. Blah, merde.